La femme créa l'homme et l'homme devint mensonge. Ce qu'il fit à la terre, je n'ose point le dire, car je sais qu'en vous se traîne un long souvenir, une plaie couverte par ce fameux mensonge. Hypocrite rêveur qui, d'un repos sordide, amassez plus d'argent dans vos nombreux tiroirs que l'amour nécessaire à ces grands yeux humides qui plongent leur regard dans les abîmes noirs. Chacun semble d'accord, il faut cesser la guerre. Mais qui de vous ira brandir son drapeau blanc, le prince ou le roi, la reine d'Angleterre, ou bien vous, messieurs, honorable président? Je sais bien, pauvres gens, mes paroles futiles, vous fermez ce livre que personne ne lira, toujours pour conserver votre peuple débile. Semblable à l'armée, vous le menez au combat. Vous placèrent debout. Maintenant que le regret habite nos têtes, le vent souffle sa mort sur nos corps embaumés. Le monde, je l'espère, reprendra de sa fête lorsque vous, bons messieurs, serez bien enterrés.